quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire des métiers dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, le documentaire. Nous avons commencé cette série d'émissions sur l'histoire des métiers avec l'historien François Jarige qui nous a expliqué comment au 18e, au 19e et au 20e siècle, eh bien, il y a eu des résistances à l'innovation technique et des capacités de résistance des métiers à ne pas vouloir mourir. Eh bien, nous en avons un exemple aujourd'hui avec le documentaire signé Amélie Meffre et Marie-Laure Ciboulet sur les traces des typographes, ces aristocrates de la classe ouvrière qui pratiquaient un métier qui aujourd'hui est peut-être en voie d'extinction. C'est le thème de ce documentaire jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire aujourd'hui avec les témoignages et les analyses de Sylvie Charlier, de Claude Leloup, Frédéric Tachot, Roger Baudin, François Huin, Gilles Hu et Jacques Boisselier. Bien, mes camarades, je vous propose qu'on se rassemble. Si le journal Le Monde pouvait se rapprocher. Les retraités du journal L'Équipe, on vous propose de se mettre là parce qu'on est un peu trop nombreux pour tous tenir derrière la tombe de Jean Lemagne qu'on vient honorer aujourd'hui. Mais en tout cas, merci à tous d'être venus. On a un peu de chance, on a un brin de soleil pour aujourd'hui faire une commémoration de Jean Lemagne, donc qui était un dirigeant de notre syndicat. Ça s'inscrit, cette initiative, en fait, dans une journée un peu spéciale pour nous. Alors, je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas, excusez-moi. Je suis Romain donc Altman, le secrétaire général d'Infocom CGT. Alors, ça vous parlerait peut-être pas beaucoup, mais ça vous parlera plus pour beaucoup d'anciens si on dit la CSTP, parce qu'aujourd'hui, ce qui est à l'honneur, c'est l'histoire. Et on en est fiers pour notre part, parce que Jean Altman était donc un des premiers dirigeants de notre syndicat il y a quelques années. On a préparé cette initiative avec nos camarades, des amis de la commune. Vincent Peson va prendre la parole au nom de l'association. Donc Vincent, je te propose de commencer et puis je dirai un petit mot après. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors Jean Lemagne est né le 25 août 1849 dans un village pyrénéen qui s'appelle Boucou. Alors Jean Lemagne, tout jeune, il gagne Paris et il devient ouvrier typographe. En 1861, il a 18 ans. Il est déjà syndiqué. En 1862, donc il a 19 ans, il est emprisonné pour participation à une grève des typos parisiens. Il a été l'un des organisateurs de la chambre syndicale de sa profession. Les typos sur le carreau. Il a été étroitement lié aux événements de la commune. Durant le siège, il rejoint la garde nationale. Il est caporal au 59e bataillon. Le 3 avril 1872, donc un an après la commune, le conseil de guerre de la 1ère division militaire le condamne aux travaux forcés à perpétuité. En 1880, il est amnistié comme beaucoup d'autres communards. Il rentre à Paris. À partir des années 1970, la modernisation des techniques d'impression avec l'arrivée de l'offset et de la photocomposition va donner lieu à des restructurations sans précédent dans l'imprimerie. Le plomb est abandonné progressivement et les typographes en font les frais. Les grosses imprimeries comme Néogravure, Georges Lang ou Del Luca mettent la clé sous la porte et en octobre 1974, le rapport de Jean-Philippe Leca sur l'avenir de l'imprimerie française conclut que la France n'a pas vocation graphique. Dans le labeur, qui concerne les imprimés autres que la presse quotidienne, on compte en 1980 quelques 16 000 suppressions d'emplois sur un total de 125 000 salariés. Les conflits, pour limiter la casse au sein d'une profession très organisée, seront âpres et longs, y compris dans la presse comme au Parisien libéré. 10 ans plus tard, avec la généralisation de la publication assistée par ordinateur, le coup de grâce est donné. Les ateliers de composition disparaissent et le savoir-faire des typos n'est plus de mise. Des plans de reconversion et de départ en retraite anticipée seront négociés durant une trentaine d'années et le métier de typographe finira par disparaître. Retour sur une profession ancestrale qui fut à l'avant-garde de l'organisation syndicale. Si Sylvie Charlier, il y a un mois, les amis de la commune et les militants d'Infocom, donc ce qui est devenu Infocom, c'est-à-dire la chambre typo, syndicale typo parisienne, rendaient un hommage à Jean Alman, donc typographe et communard. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait eu autant finalement de figures issues du livre, hein, François Proudhon notamment, ou Alman, qui ont été un peu les porte-parole de la cause ouvrière? Alors, je pense qu'on peut remonter à peu près à 1830. Avec la révolution de 1830, les ouvriers, il y a eu un espoir énorme et ils ont été rapidement déçus. Et ils ont rapidement pensé qu'ils n'avaient rien à espérer que d'eux-mêmes, de leur organisation, de leur union, de leur association. Et alors là, il y a eu plein de brochures autour du thème « Quel type d'association ? Est-ce que c'est une association coopérative de production, une association mutualiste ? Est-ce qu'on regroupe tous les travailleurs dans une même association ?» Brochure éditée et écrite par ces ouvriers du livre. Et rapidement, ils se sont dit comment faire. Parce que depuis la loi Chapelier, il était interdit aux ouvriers comme aux patrons de se réunir. Donc, elle interdisait toute association. Donc, ils se sont dit, on va se servir de ces mutuelles. Et il y aura donc toujours le côté, on aide les malades, les gens qui ont des problèmes de santé, les décès, tout ça. Puis derrière ça, camouflé, il y avait des sociétés de résistance. Il y avait des caisses de grève, des caisses pour le chômage. Alors la toute première qui s'est créée, c'était en 1833 à Nantes. C'était l'association typographique de Nantes, qui, elle, dans ses statuts, mettait vraiment qu'elle était une société traditionnelle, mutualiste, mais aussi une société de résistance. Et puis en 1839, les typographes de Paris ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont créé la Société typographique de Paris. Et le but de cette association est le maintien des salaires payés dans chaque maison, mais aussi elle prévoit dans ses statuts une caisse pour les grévistes et elle a pour objectif fondamental une fixation du fameux tarif. Voilà. Et elle y parvient en 1843 et elle élabore en commission paritaire le premier tarif de l'histoire du livre, ce qui est une sorte de contrat collectif. Vous l'avez toujours dans le monde aujourd'hui, il y a une marque syndicale qui s'appelle le label. Oui, le label syndical. Label syndical. Celui-là, c'était venu à la suite d'un accord fait au début du siècle entre les typographes parisiens et les employeurs. Roger Baudin, responsable des cours professionnels dispensés par la Chambre syndicale typographique parisienne. Le label avait été repéré aux États-Unis par un monsieur 12 ou 15 ans avant. Ça engageait d'une part à ce qu'il y ait vraiment des professionnels qui fassent le travail, et d'autre part qu'il y aurait un tarif qui respecterait la compétence. En gros, c'est ça le label. Donc, à partir de là, à l'époque, il y avait l'école Estienne, ça devait être à peu près tout, et le syndicat, avec le label, s'est engagé dans la formation. À l'époque, c'était 5 rue Séguier. Donc, pas loin du 20 de la rue de Savoie, où il y avait la chambre syndicale typographique. Donc, dans le quartier de Saint-Germain et de la Sorbonne, c'est là qu'il y avait à la fois les éditeurs et les organisations syndicales. Ça veut dire que le syndicat, dès le départ, il a le souci de bien former les ouvriers. Oui, dès l'année suivante. Oui, c'est ça. 1903, hein, je crois que ça se met en place. Dès l'année suivante, il y a eu mise en place des cours professionnels. Et en 1904, sorti du premier bulletin des cours professionnels, l'ancêtre de graphé. Sylvie Charlier, c'est une des premières professions qui s'organise autant, non ? Oui, c'est même la deuxième profession qui crée sa fédération. Elle crée sa fédération, la Fédération du Huile, en 1881. Et c'est la seconde après les Chapeliers, je crois, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, cette fédération va s'appuyer sur les statuts de l'association de Nantes, mais aussi sur les structures et les acquis de l'association typographique parisienne. Et elle va garder, ce qui est très rare, qui est une des rares fédérations, à garder aussi toute cette mutualité syndicale, puisqu'elle va mettre en place une caisse de chômage. Ils vont même mettre des indemnités de décès qui est basée sur l'ancienneté. Et en 1926, il y aura même une invalidité vieillesse, une sorte de caisse de retraite. Alors, les ouvriers du livre ont aussi ce qu'ils appellent un impôt chômage. Il y a les charges dont on paye son syndicat et il peut y avoir ponctuellement un impôt chômage, c'est-à-dire que ça va se faire en 1930, par exemple dans les années 30, quand il y aura beaucoup de chômeurs parce que la caisse chômage va avoir des grosses difficultés. Donc on paye un supplément de cotisation, ce qui sera fait aussi en 1975 pendant le conflit du Parisien libéré. Moi je me souviens très bien, mon père était receveur dans son atelier, donc tous les mois il donnait 10% de son salaire pour que ses camarades puissent poursuivre le combat du Parisien libéré. Donc c'est cet esprit mutualiste qui est très rare en France, qui est une grande originalité du livre et qui permet aussi de pouvoir faire des grèves longues et solides. Enfin. Oui, il y a une grande tradition de solidarité. Oui. Quoi. Alors la solidarité, elle était assez extraordinaire. Je vais prendre un exemple, celui de mon père. Mon père, dans les années 50, décide de faire construire un pavillon à Conflans-Sainte-Honorine. Frédéric Tachot. Donc les copains de l'atelier lui disent, dis donc Edmond, tu fais construire, fais voir les plans et tout. Donc il amène les plans de la maison qu'il étale sur le marbre, tout le monde est autour, et puis ils lui disent combien, alors je sais plus combien c'était à l'époque, ça devait être, c'était encore les anciens francs, ça devait être 1 ou 2 millions, quoi. Et chacun donne de l'argent, pour pas qu'il y ait d'emprunt fait à l'extérieur de la corporation. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien du tout, et quand mon père touchait sa banque, c'est-à-dire sa paye, on appelle ça toucher sa banque dans l'imprimerie, quand il avait sa banque, eh ben, il donnait 3 francs à machin, 5 francs à l'autre, 10 francs. Et ça se remboursait comme ça, sans papier, sans rien. Autre exemple de solidarité, quand il y a eu le conflit du Parisien, qui a duré très longtemps, une partie du salaire était prélevée sur tous les actifs pour payer les grévistes. Par contre, les actifs payaient leurs impôts en totalité, puisque en fait, ils étaient censés avoir perçu leur salaire en totalité. On l'a fait aussi pour les mineurs du Nord ou pour les pêcheurs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de métiers où les gens sont capables de ça, quoi. C'est-à-dire de donner une partie de leur salaire pour des personnes qu'on ne connaît pas, quoi, et qui ne sont pas de notre métier. C'est quand même assez particulier. Je ne sais pas si ça existe beaucoup, quoi. Tout ça a disparu avec la fin du plomb, quoi. Moi, je suis issue d'une longue lignée d'ouvriers du livre. Mon père était typographe, ma grand-mère était typote, comme on dit dans le métier. Mon grand-père était imprimeur. Mes arrière-grands-parents, du côté de ma grand-mère paternelle, étaient aussi typographes. Et je me suis aperçue, en faisant l'arbre généalogique de ma famille, que mon arrière-arrière-grand-père était aussi typographe. Donc ça veut dire qu'on était typographe de père en fils? Oui, et même de père en fille, là, ce qui est rare. Qui est rare, très rare, parce que des typotes, il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai une arrière-grand-mère donc et une grand-mère typote, dont une arrière-grand-mère qui apparemment dirigeait au début du XXe siècle une imprimerie. C'est ce qu'on appelait autrefois aussi ma arrière-grand-mère, une forte personnalité, donc je pense qu'elle a su s'imposer dans ce milieu très masculin. Frédéric Tachot, vous oui. Disiez que vous êtes issu d'une longue lignée de typographie. Travaillez où, vos ancêtres? Alors, mon père était responsable de la composition du journal Le Monde. Avant, il était au Temps, donc avant la guerre, au quotidien Le Temps. Mon grand-père était à l'Humanité du temps de Jaurès. Et tous les autres avant étaient en Bretagne. Et les derniers ont fini chez Auberture. Donc vous n'aviez pas d'autre choix que de devenir typo aussi, alors? Si, j'aurais pu. Mais comme on m'a fait comprendre que il y avait un mur entre nous et la classe supérieure, on m'a dit qu'il valait mieux être le premier des derniers que le dernier des premiers. C'était clair. En même temps, vous étiez quand même un peu les aristos de la classe ouvrière. Oui, c'est les aristocrates de la classe ouvrière, oui, c'est clair. Et alors vous, Frédéric Tachot, vous êtes syndiqué dès l'âge de 12 ans, vous m'avez dit? Oui, à peu près, 12 ou 13 ans, je sais plus. Et comment ça se fait? C'est mon père qui m'a syndiqué. Eh ben, si vous voulez, pour rentrer dans la presse quotidienne parisienne, il fallait avoir 25 ans d'âge et 50 syndicats. Ce qui donnait, l'un divisé par l'autre, un chiffre qui s'appelle le quotient syndical. Et ce quotient syndical, plus on était syndiqué jeune, plus on était sûr de rentrer dans la presse avant les autres. Or, on se rend compte que dans la presse quotidienne parisienne, à l'époque, il n'y avait que des fils de gens qui y travaillaient déjà ou dont la famille travaillait déjà. Quoi. C'était ou le neveu ou le fils de... Donc il y avait des dynasties de typos, je peux vous donner les noms, dont les parents étaient déjà dans la presse, les grands-parents aussi, etc. Quoi. Oui, vous étiez placé par le syndicat. Vous pouvez me raconter ça, ce monopole d'embauche, comment ça s'est mis en place, comment ça fonctionnait? C'était un peu comme chez les dockers, non, Frédéric? Oui, c'est exactement pareil. Alors, chez les dockers, après la guerre, les bateaux arrivaient pleins ou vides, donc il fallait un certain nombre de dockers, ou pas du tout d'ailleurs. Dans les journaux, il y avait du papier ou il n'y en avait pas. Donc il fallait 100 personnes, 200 personnes ou il en fallait 15. Tout dépendait de l'arrivée du papier qui déterminait la pagination. À partir de ce moment-là, il y a eu un accord passé entre les syndicats patronaux et le syndicat ouvrier, de façon à dire, nous on va s'occuper du monopole de l'embauche, il vous faut 200 personnes, on vous les donne, le lendemain il vous en faut plus que 50 par exemple, donc on en reprend 150. Voilà, c'était pour avoir une flexibilité dans l'emploi. Par exemple, je prends les correcteurs. Les correcteurs, ils avaient ce qu'ils appellent une permanence. Quand le patronat de la presse avait besoin d'un correcteur, il téléphonait à la permanence des correcteurs et les correcteurs leur envoyaient un travailleur. Donc il y avait une espèce d'accord entre les ouvriers, enfin le patronat après-guerre et particulièrement, et les ouvriers du Libre. C'est-à-dire, la presse, il faut que ça tombe à l'heure et il ne faut pas qu'il y ait de problème. Donc il fallait avoir les travailleurs sur place, il faut être sur le marbre, ça tombe à telle heure. Donc le patronat se demandait aux ouvriers du Libre de fournir de la main-d'œuvre qualifiée. Et en contrepartie, ben, ils accordaient des contrats collectifs, des salaires et des conditions de travail assez agréables, enfin correctes, on va dire, plus que correctes. C'était un accord, c'est-à-dire que ben, c'était eux qui recrutaient les travailleurs pour que tout se passe bien. Donc s'il manquait quelqu'un, il y avait ce qu'on appelle des piétons, on appelait, ils venaient renforcer une équipe et voilà. Des métiers et des hommes, les maîtres imprimeurs, RTF, ORTF, le 24 avril 1963. Monsieur Rank, le lycée technique Étienne est une école qui jouit d'une grande réputation. Pouvez-vous me dire ce qu'est cette école? Le caractère particulier de cette école est de comprendre dans son sein l'ensemble des techniques du livre ou de l'imprimerie. Nous pouvons partir de la copie ou de l'image et aller jusqu'au livre terminé. Il y a une section qui relèverait des métiers vraiment plus traditionnels, tels qu'on se les représente tout au moins, c'est-à-dire de la typographie, section importante, parce que c'est celle qui correspond au maximum de professionnels existant dans la profession, qui exige surtout une très bonne formation générale. Nous souhaiterions une très bonne formation dans notre propre langue. C'est un de nos soucis, voyez-vous, pour permettre au métier de l'imprimerie d'accomplir leur mission, de conserver la qualité de tous ceux qui doivent concourir à restituer la langue française avec sa propriété totale. Frédéric Tachot, vous commencez dans les années quoi, 50, 60 ? 60. Et vous faites votre apprentissage où ? Alors, j'ai fait 4 ans d'apprentissage dans un lycée professionnel à l'époque, ça s'appelait Collège d'enseignement technique à Colombes, où j'ai appris la typographie. Donc à l'époque, ça s'apprenait en 4 ans avant le CAP. Et ensuite, on avait 1 an de perfectionnement à 90% du tarif syndical en entreprise. Donc en gros, ça faisait 5 ans. Après, on avait une année ou deux pour apprendre la linotype. Et puis ensuite, après mon service militaire, j'ai pris des cours de promotion sociale à l'école supérieure Estienne, dans laquelle à un moment d'ailleurs j'ai enseigné. Et j'ai pris des cours de promotion sociale pour être agent de fabrication, c'est-à-dire pour faire les études techniques des travaux avant de les lancer en atelier. Claude Leloup, comment vous êtes devenu typographe, vous? Quand j'étais plus jeune, j'avais fréquenté des imprimeries et je sais pas, quelque chose me plaisait là-dedans. Je savais que c'était un métier où on pouvait réfléchir, faire des choses, manipuler la langue aussi. J'étais plutôt bon élève, donc Pour moi, c'était plus intéressant que d'être, je sais pas quoi, dans une usine. Mais vous étiez linotypiste, Claude Lebon. Ah oui, j'avais passé le concours pour entrer à l'école d'opérateur. Cette école d'opérateur, c'était où? Alors, c'était rue Montmartre, juste derrière Saint-Eustache. C'était une école sous l'égide de la presse. C'était pour préparer les linotypistes qui étaient susceptibles d'aller en presse. Tout le monde n'y allait pas, mais... Donc ça dure quand même assez longtemps comme apprentissage. Oui, on passait un examen qui était quand même assez difficile, avec un oral pour voir un peu ce qu'on savait dire et faire. Donc c'était assez sélectif. Oui, ça durait un semestre, hein, mais il fallait déjà être typo confirmé. Et là, on y apprenait la machine, mais aussi la vitesse pour déchiffrer des copies écrites rapidement par des journalistes et qui ont des écritures de docteur presque. Hein. Donc c'est tout un métier à apprendre. Hein. Frédéric Tachot, donc vous travaillez dans plusieurs entreprises oui. Quand vous commencez. Il y avait beaucoup d'embauches à ce moment-là dans la profession. Alors, c'est pas qu'il y avait beaucoup d'embauches, c'est qu'on allait nous chercher tellement il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Ça employait des milliers de personnes en France, l'imprimerie. Puisque, en fait, depuis le 19e siècle, ça n'avait pas beaucoup évolué. La grosse évolution qu'il y ait eu elle date de fin 19e siècle. C'est d'abord les presses mécaniques et d'autre part les machines à composer mécaniques, la monotype et la linotype les plus répandues. Mais ça n'a pas bougé pendant grosso modo 5 siècles. Donc comme c'était tout à fait manuel, il fallait beaucoup de gens. Visite de la Seigue, une imprimerie traditionnelle à Laye-les-Roses qui imprime des ouvrages de bibliophilie, à la rencontre de François Vin, Gilles Hu et Jacques Boisselier. Bonjour, on est un petit peu en avance. Semblerait. Entrez. Vous saquez la lourde, c'est bien. Non, on sac la lourde. On sac la lourde. Et ça, c'est une limace. Une limace, c'est une chemise. Donc. Voilà, et du résiné sur la limace, c'est du sang sur la chemise. Voilà. D'accord. Saquez la lourde, je ferme la porte. Très bien. Bon. Bonjour. Monsieur Hu, c'est celui qui me seconde depuis un certain temps. Bonjour. Et même très... Bonjour. Mais c'est des vieilles machines, ça, non? Eh, celle-là, je l'ai toujours connue. C'est vrai? Je suis rentré en 73 et elle venait d'arriver. Donc c'est du costaud, quoi. C'est un peu comme moi, la fatigue aussi, un peu... Bonjour. Donc vous êtes, hein, faites voir comment ça fonctionne. Voilà la fameuse lino. C'est la linotype, ouais. C'est ce qui sert à composer les lignes de caractère en plomb, donc de texte. Jacques Boisselier. Le plomb est directement fondu. Hein. Fondu en fonction de ce que vous tapez sur votre clavier. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. En fait, ça fonctionne avec des matrices. Et chaque matrice, en fait, elles sont stockées dans un magasin. Il y a 90 matrices qui correspondent aux 90 tiges du clavier. Et en fait, chaque matrice, c'est un moule de la lettre. Donc, je vais assembler les matrices dans le composteur, ici, en tapant sur le clavier. En fait, ça les libère. Elles sont stockées comme ça, verticalement, dans le magasin. Et une fois que j'appuie sur une touche, ça va, grâce à un système de tringle, ça va libérer les matrices qui vont tomber via les toboggans et venir s'assembler dans le composteur. Mais en gros, le plomb, il est en fusion... dans le creuset qu'il y a derrière. D'accord. Donc là, il y a du plomb chaud, qui est chauffé, ouais, à 300 degrés, et qui va être injecté via un piston entre les moules de lettres. Et donc, avec cette machine, on imprime tous les textes. Enfin, on compose tous les textes. Vous composez tous les, ouais, textes. Et alors donc, vous avez fait quoi comme formation? J'ai fait un BTS imprimerie à l'école Estienne. Après, j'ai travaillé dans la presse et j'ai travaillé dans diverses imprimeries de labeur. Il y a 4 ans et demi maintenant, ça fait 4 ans et demi que je suis là. Et j'ai appris qu'ils cherchaient quelqu'un pour continuer à faire de l'impression typographique. Donc moi, j'étais attiré par les métiers un peu artisanaux. Donc voilà, ça fait 4 ans que je suis là, 4 ans et demi. Vous aviez envie de travailler sur le plomb? Ouais. Enfin, à la base, je connaissais pas. En fait, j'ai tout appris ici. Hein, parce que c'est un métier qui n'existe plus, il n'y a plus de formation. J'ai jamais appris ça à l'école, donc j'ai réappris tout le métier ici. Hein. Frédéric Tachon, pour qu'on ait un peu une idée, il y avait plusieurs métiers qui se côtoyaient là dans les ateliers. Oui, des dizaines de métiers. Rien que chez les compositeurs typographes, il y a au moins 10 métiers différents. Par exemple, il y a les paquetiers, ceux qui composent des petits paquets de texte. Il y a des tablotiers, ceux qui ne font que des tableaux. Il y a des imposeurs, ceux qui disposent les pages pour qu'une fois imprimées et le papier plié se retrouve dans le bon ordre. Il y a ce qu'on appelle des fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui font l'approvisionnement en matériel pour les gens qui composent et qui rangent les du matériel. Il y avait dans certaines boîtes des épreuviers, des gens qui font que des épreuves. Mais tout ça, c'était des typos. Puis en dehors de ça, il y avait d'autres métiers, bien sûr. Il y avait des clicheurs, il y avait des imprimeurs, il y avait des papetières, des relieurs, des photograveurs, tout ce qu'on veut, quoi. Et comment ça se passait entre vous, entre les différents métiers ? Pas très bien. Enfin, bien parce qu'on faisait partie d'un même corps. Donc, dans un corps humain, tous les organes sont nécessaires. Quand on est dans le corps de l'imprimerie ou dans le corps typographique, on a bien conscience qu'on fait partie d'un grand tout et qu'on n'est qu'une petite partie de ce grand tout. Il y a un dicton qui dit « Tu sais lire et écrire, tu as eu ton certificat d'études, tu seras typo. T'es pas doué à l'école, tu lis mal, tu fais des fautes et tout, tu seras imprimeur. T'es bon à rien, tu seras clicheur. » Ça montre bien qu'il y a des cloisons entre les différents métiers. Ce qui n'empêche pas parfois que les uns deviennent les autres. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine polyvalence quand même, non ? Il y avait, ouais, relative, très relative. Par exemple, les gens qui faisaient comme moi de la typo et de la lino, on les appelait des amphibies, parce qu'ils faisaient les deux. Mais c'était rare quand les compositeurs descendaient aux machines, ils y allaient pour faire des corrections ou sous presse ou des choses comme ça. Mais dans la presse, c'était rare que les typos aillent aux rotatives. Ou aille à la clicherie. Il se faisait pas virer, on se faisait pas virer. Quand on y allait, c'était des copains, c'était bien, mais on n'y allait pas, c'était pas les mêmes habitudes, les mêmes métiers, le même langage, c'était pas pareil. Dans les ateliers d'imprimerie, il y avait une ambiance toujours de bonne humeur. Il y avait des plaisanteries sans arrêt, c'était agréable, quoi. Et puis avec un jargon particulier. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui, tout à fait. Bah, comme dans tous les métiers, il y a des pratiques propres au métier, hein, qui datent de loin. Par exemple, les habitudes dans l'atelier. Bah, les farces, beaucoup de farces. Vous partez pour, je sais pas, aller aux toilettes ou poser des lignes sur le marbre, vous vous retournez, il y a de l'encre sur la poignée qui envoie les lignes, il y a plein de choses comme ça. Ou du noir de fumée, il y a des farces, quoi. Et puis des plaisanteries, et puis tout le monde se connaît bien, donc un atelier d'imprimerie, c'est... Je pense souvent à une cuisine pendant le service du repas où tout le monde s'active et tout le monde sait ce qu'il a à faire, quoi. Donc, dans un atelier d'imprimerie, c'est pareil. Les travaux sont toujours pressés. Et donc, il faut toujours se dépêcher pour faire les choses. Mais comme tout le monde était des vrais professionnels, ça se passait bien, quoi. Le typo prenait les lignes sur le marbre, montait les pages... Vous montez les travaux, vous faisiez, bon, si c'était des affiches, il y avait aussi les caractères en bois, tout ça. Bon. Il fallait savoir faire beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que tout le monde, à la base, était typo. Le métier de base, c'est quand même typo. C'est de composer le texte. Bah, là, je dois dire que le premier jour où j'ai commencé le métier, le patron de l'entreprise m'a pris, et c'était une petite entreprise, on était une dizaine. Il a commencé à m'expliquer que, bah, ici, on ne travaille pas en centimètres ni en millimètres, on a une mesure particulière. Et c'est là qu'on se dit, enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, dans quel monde j'arrive ? On est un monde en dehors, on est autrement, quoi. On travaille pas comme tout le monde. Et j'ai découvert ce métier qui est vraiment un univers à lui tout seul, quoi. On est quand même à part. Alors, on parle de l'ambiance dans les ateliers, de la camaraderie, de votre argot, etc. Mais c'était aussi des conditions de travail pas faciles. On parle du bruit, il y a aussi les vapeurs du plomb, non, la poussière du plomb. Oui, alors là, il y avait des précautions à prendre quand même. Il faut pas respirer non plus le plomb. Oui, oui. On avait une visite médicale chaque année, hein, avec des prises de sang pour voir si on n'était pas sujet au saturnisme. Bah, ma foi, à l'âge que j'ai, je suis passé au travers apparemment. Mais oui, il y a des précautions à prendre. Il faut se laver les mains, il faut pas se mettre les doigts dans la bouche, faut pas fumer. Enfin, ça n'empêchait pas beaucoup de gens de le faire. Mais aujourd'hui, c'est interdit, bien sûr. Mais Oui, oui, il y avait des précautions à prendre, mais tout ça, ça s'apprend très rapidement. Hein. Faut pas manger dans les ateliers, bien entendu, parce que sur le marbre, tout ça, il traîne toujours des poussières de plomb. Oui, oui, c'était pas une atmosphère très saine. De toute façon, moi personnellement, j'ai jamais connu de cas de saturnisme parce que bon, on est à une époque où quand même les conditions d'hygiène sont connues. Frédéric Tachot, à un moment, vous travailliez à la Cirlo, rue du Louvre, donc oui. À Paris. C'était donc oui. le quartier de la presse, là. Oui, tout à fait. Et la Cirlo, elle éditait quoi comme journaux? Alors, la Cirlo, c'est ce qu'on appelle un labeur presse. C'est une entreprise qui faisait des travaux de labeur, mais avec un statut presse. Et ces travaux de labeur, c'était essentiellement des hebdomadaires et des mensuels. Mais dans les locaux, il y avait quand même trois quotidiens. Il y avait Paris Jour, il y avait le New York Herald, en partie, et puis il y avait l'impression du Figaro, puisque le Figaro était composé au rond-point des Champs-Élysées, mais il était imprimé dans les locaux de la Cirlo. Pour ma part, moi je travaillais la nuit, je faisais le lien entre les rédactions d'hebdomadaires et de quotidiens, et les ateliers de composition. Il y avait combien de personnes qui travaillaient à la Cirlo ? Il y avait environ 1000 personnes par roulement, puisque ça fonctionnait 24 heures sur 24. Et donc, il y avait d'autres imprimeries, j'imagine, dans ce coin-là? Ah oui, il y avait des petites imprimeries de labeur, et puis il y avait tous les canards qui étaient à côté, le Parisien, François, Paris, plein de canards dans l'équipe. Il y avait tout ça dans ce quartier-là. C'était le quartier des quotidiens. Donc vous vous retrouvez aussi, j'imagine, avec les autres typos, des autres secteurs, une fois les journaux oui. bouclés, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, donc, pour éviter que les gens aillent dans les annexes, c'est-à-dire dans les bars environnants, beaucoup de journaux ou de locaux d'imprimerie, comme la Cirlo, par exemple, ou à François, il y avait des bars intégrés. À la Cirlo, il y avait deux bars. Un au deuxième étage et puis l'autre au septième. Alors celui du septième, c'était réservé à la direction, probablement, parce que moi, j'y mettais pas les pieds. Mais au deuxième, il y avait un bar, il était consommé, grosso modo, 40 bouteilles de Ricard par jour, enfin par 24 heures. Quand on dit que les typos, le milieu de l'imprimerie, et notamment les typos picolés, c'est vérifié. Oui, parce que il y a une vieille tradition d'amende. Quand on rentre dans une entreprise, on doit payer son quantès. Le quantès, c'est rincer l'atelier, c'est-à-dire amener ce qu'il faut pour que tout le monde puisse se désaltérer correctement. Vous êtes en retard, paf, une amende, c'est un litre. Vous avez crevé, paf, un litre. Vous changez de voiture, une naissance, enfin, tout était prétexte à entonner le halla, c'est-à-dire qu'on... On buvait de façon traditionnelle. À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. Ce n'est pas de l'eau de rivière, encore moins de celle du puits. Confrères qui nous régale aujourd'hui. Pas d'eau. Bravo, monsieur. Frédéric Tachot, il fallait combien de personnes, par exemple, pour faire un journal au moment du plomb? Et combien avec l'arrivée de l'offset ou de la PAO? Alors, vous avez une idée de ça? Oui. Au niveau de la composition d'un quotidien, il y avait entre 250 et 300 personnes. Rien que pour composer le texte. Je ne parle pas des rédacteurs, des secrétaires de rédaction, dactylo, secrétaires et autres. Je ne parle que du côté impression. Donc 250 à 300 personnes pour faire la composition du journal. Pourquoi autant ? Parce qu'il fallait que ce soit fait très vite. Au niveau des clicheurs, ils étaient bien une trentaine. Et au niveau des rotativistes, ils étaient bien une cinquantaine. Donc 250 plus... il y avait pas loin de 500 personnes, quoi. Quand c'était de la typo. Avec l'avantage de réutiliser le plomb tout le temps. C'est-à-dire qu'une fois que les journaux sont imprimés, on refond tout le plomb pour faire le journal suivant. Alors qu'avec l'offset, comme on utilise des plaques en aluminium, ben, y a pas moyen de les recycler sur place. On est obligé de les faire recycler par un recycleur. Quand ça a été l'offset, les rotatives offset, il y avait à peu près le même nombre de personnes parce que la composition, elle était toujours faite avec du plomb. Jusqu'au jour où il y a eu des photocomposeuses de grande production, et là, ça a divisé le nombre de compositeurs par 4. Voilà, 50 personnes suffisaient, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que les journalistes pouvaient carrément saisir leur texte, voire le mettre en page, et ayant eu encore moins de monde. Voilà comment, grosso modo, ça s'est passé. Journal des actualités françaises du 23 novembre 1960. Cet homme en blouse blanche, ce n'est pas un dactylographe. C'est le typographe des temps futurs qui commence aujourd'hui. Dans cette imprimerie parisienne et révolutionnaire, Gutenberg serait à juste titre étonné par ces machines électromécaniques et électroniques qu'on appelle les lumitypes, appelées à faire table rase de l'arsenal classique des linotypes et du labeur. L'élément principal de cette machinerie est un disque de 20 cm de diamètre percé de trous, représentant 14 séries de caractères différents. À lui seul, ce disque d'un kilo accomplit le travail de 168 séries de matrices classiques qui exigeraient 2 tonnes de cuivre. Voici comment. En retapant simplement l'article, le typo désigne les lettres à reproduire en même temps qu'il choisit la série de caractères et leur grosseur. Ayant enregistré tous ces renseignements, la calculatrice électronique prend le relais. Elle décide de la rotation du disque et choisit l'un des 12 objectifs grossissants qui fixeront l'œil du caractère voulu par le compositeur. À chaque position correspond en chambre noire la projection sur film transparent de la lettre correspondante. Cadence, 10 lettres projetées à la seconde. L'article terminé, il suffira d'aller développer la pellicule impressionnée. J'avais manifesté auprès d'un ami que la lumitype m'intéressait. Ça venait de sortir, il y avait peu de temps, dans quelques entreprises en France, pas beaucoup. Roger Baudin. Et donc j'ai dit, je suis intéressé par ça. Alors ça fait que là, je suis allé d'abord à la Cirlo. Il y avait 3 machines lumitype 200. Et mes petits camarades de la lumitype m'avaient demandé alors, de me présenter à une commission de la presse pour faire connaître un peu... les matériels nouveaux. Donc c'est ce que j'ai fait. On nous a envoyé, mon petit camarade et moi, à Düsseldorf pour voir l'exposition qui s'appelait la Drupa. C'était la grand-messe, si vous voulez, de la profession. Donc nous sommes allés voir cela. Cela nous a confortés dans nos prévisions, d'ailleurs. En 1976, le secrétaire de la presse, qui s'appelait M. Loiseau, m'a demandé de le remplacer à une discussion qui a duré 2 journées au syndicat de la presse avec les employeurs, enfin, et le représentant, quoi, concernant les problèmes posés par le matériel. Et j'avais fait des petits calculs parce que je me doutais bien qu'on me demanderait, après une installation, alors de la photocomposition, hein, je ne parle pas de micro-informatique, là, photocomposition, on m'a demandé, vous avez fait des calculs, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'équipe qui sera François, le nombre? On peut dire qu'en gros, dans l'installation de la photocomposition, on a dû perdre environ 30% des postes. Il y a eu pas mal d'écrémage dans la profession, c'est-à-dire que les gens qui partaient en retraite n'étaient plus remplacés. Il y a eu des plans négociés sur les départs en pré-retraite. Ça s'est fait beaucoup dans les années 80, 90. On peut mesurer à combien les pertes d'emplois, c'était plus de 20 000. C'était énorme parce que les plans de départ prévoyaient qu'il n'y avait pas de remplacement. Bah, d'un autre côté, nous, on avait les forces suffisantes pour que les gens soient mis en pré-retraite. C'est-à-dire qu'ils perdaient quand même du pouvoir d'achat, mais ils n'étaient quand même pas chômeurs. Donc vous avez obtenu beaucoup de pré-retraite. À partir de quel âge, alors ? 55, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on a appelé le plan Vilain et... Comment il s'appelait celui-là ? Carignon. Carignon, il a fait du carnage dans la profession. On a fait des grosses manifs, des grosses actions, parce que là, ça a été 50. 50 ans, avec ce qu'on appelait un portage. C'est-à-dire qu'il y avait une petite partie de salaire, mais on perdait énormément, et puis on perdait des droits à la retraite. Donc, c'était un carnage, là. Et alors, toutes les entreprises ne l'ont pas fait, mais il y en a quelques-unes. Hein. Des entreprises emblématiques, Le Figaro, France Soir, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne de technique, d'origine, dans ces entreprises-là. Le Pays d'ici, 2 février 1989. Cette ambiance feutrée et ces bruits de clavier, c'est l'atelier de composition. Voilà, c'est l'atelier qui comporte un peu plus d'une soixantaine d'écrans. Sur cet atelier, eh bien, toute la saisie des textes, la préparation, la mise en format, disons, la mise en aspect d'imprimerie, d'aspect typographique est réalisée sur ce système informatique. Très silencieux pour ceux qui se souviennent d'il y a quelques années, l'époque, j'allais dire, traditionnelle, glorieuse de la linotype qui nous permettait une ambiance très différente, beaucoup plus bruyante. Juste avec en plus un ronron de machine ou de climatisation. Exactement. Toutes ces petites machines fonctionnent avec une température régulée, une soufflerie, un air frais. L'informatique nécessite un traitement un petit peu particulier. Alors ce qui s'est passé, c'est que sur les photocomposeuses, c'était des claviers de machine à écrire. Donc les patrons ont eu la bonne idée de mettre des dactylos ou des secrétaires sur ces machines. Les personnes s'en sortaient d'ailleurs fort bien, mais ignoraient les traditions et les règles du métier, et c'est comme ça, petit à petit, que tout s'est perdu. C'est-à-dire qu'elles ne maîtrisaient pas les règles typographiques ? Elles ne maîtrisaient pas les règles typographiques, mais elles ne maîtrisaient pas non plus les habitudes, surtout les habitudes contestataires que nous pouvions avoir. Et puis, à partir du moment où on travaille sur une machine comme une photocomposeuse, on n'est plus inséré dans la chaîne graphique, on n'a plus affaire aux autres de la même façon. C'est-à-dire que ce qui est produit par la machine, ça leur échappe après. Alors que quand on faisait de la typo, ben les lignes de lino, fallait les monter, fallait monter les pages. Il y avait une suite physique, concrète, des gens entre eux. Avec la photocomposition, ça a commencé à isoler les gens. Et puis c'était immatériel, ça sortait du film, on n'était plus dans la matière. Et à partir du moment où il y a eu la photocomposition et que l'offset s'est développé, il n'y a plus d'imprimerie. L'offset, c'est de la décalcomanie, en fait. C'est déposer de l'encre sur un support. Ce n'est plus de l'imprimerie. Imprimer, ça veut dire laisser une empreinte. On imprime son pied dans le sable ou dans la neige, mais on ne le dépose pas dessus. Donc, dans la typographie, il y a quelque chose de définitif, quelque chose de pesant. La volonté d'imposer sa pensée, qu'on n'a plus avec les procédés de dépôt de pigments sur un support, comme les procédés actuels d'ailleurs. Et donc là, il y a déjà des imprimeries qui ferment Oui, il y a des imprimeries qui mutent, qui passent d'une technique à l'autre, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de facilité, mais il y a besoin de moins en moins de monde. Et vous alors, comment ça s'est passé pour vous, Frédéric Tachot ? Alors, moi, si vous voulez, j'ai pas pu lâcher le plomb. C'est viscéral, je l'ai en moi, ça donne une maladie, c'est le saturnisme, Saturne c'est Chronos, Chronos c'est le temps, et moi j'ai pris mon temps, et suis resté dans le plomb jusqu'au moment où il n'y a plus de plomb, quoi, de façon industrielle, et j'ai trouvé, c'est pour ça que je suis à Orléans, j'ai trouvé un emploi alimentaire où je ne travaillais que 8 heures par jour, ce qui me permettait de faire 8 heures de typo à côté, quoi. Bon, j'ai vu l'évolution, je me suis formé sur des matériels. Et ensuite, quand dans mon entreprise, ils se sont mis à la photocomposition, il y a eu 2 ateliers. Ils ont lancé un atelier de photocomposition, mais on a continué au plomb. Donc moi, comme le métier me plaisait, que j'étais formé pour aller sur la photocomposition, je ne me faisais pas de soucis. Donc j'ai continué sur la ligne de type jusqu'à ce que je vois ma pauvre machine démonter et partir, quoi. Et c'était quand, ça ? Alors ça, c'était en 81. Et c'était dans quelle entreprise ? Ah, ça, je crois que l'entreprise a disparu. C'était une entreprise où on faisait justement un 01 informatique, là, le journal de, sur l'informatique. Alors, c'était curieux parce qu'on parlait d'informatique, mais c'était fait au plomb. Jusqu'en 81, quoi. Ensuite, j'ai été pris dans l'atelier de photocomposition. Ben, sans problème, puisque j'étais formé. Et petit à petit, le matériel s'est condensé en un même pour finir aujourd'hui ce qu'on connaît, l'ordinateur individuel, qui permet, y compris chez soi, de faire l'équivalent de ce qu'on faisait avec un atelier entier, quoi. J'ai le Mac qui est patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'a la flemme, l'imprimante bien trop lente, la cartouche qui se touche, et les bus qui abusent, les polices qui pâlissent, le DVD fatigué, le scanner cassé nerf, le menu pomme dans les pommes, le CD-ROM, c'est tout comme la mémoire sans espoir, les options en option, la souris rabougrie, le mulot bien trop gros. Ah mon Dieu que c'est pas le détente. Toute cette informatique, ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd content. Sylvie Charlier, donc le passage du plomb à la PAO, donc votre père, il a connu, comment ça s'est passé? Alors, lui travaillait au Figaro, il travaillait enfin, à la Cirlo, où était composé le Figaro, il travaillait sur le Figaro Madame, et pour lui, ça a été une horreur, pour lui, c'était plus du tout le même métier. Avant, il était en côte, il est passé à la blouse, donc il y avait déjà ce côté, on quitte un peu le monde ouvrier, on passe à un côté plus bureau, et puis il n'y avait plus cette convivialité, enfin, il y avait plein d'échanges au-dessus du marbre, on se passait, on rigolait, là, c'était chacun dans son bureau, en plus, à l'époque, les tout premiers, moi, je les ai vus, les tout premiers, il fallait rester dans la pièce, parce qu'il ne fallait pas que ça chauffe, donc il fallait être dans un climat un peu, tout était climatisé, enfin, donc complètement changé, et il a détesté enfin, ce passage. D'ailleurs, il est parti en pré-retraite rapidement. Il est parti en pré-retraite à quel âge ? Il était jeune, il avait 56 ans. Pour lui, c'était plus son métier, quoi. Ça n'avait plus rien à voir. Et il a dit, jamais un ordinateur ne rentrera dans mon appartement. Et il a toujours refusé que l'informatique rentre chez lui. Mon père était un lecteur du Monde et je l'entendais hurler en disant à chaque fois que c'est pas typographique, qui a mis ça en page, on voit bien que c'est de l'informatique. Et c'est vrai que des fois, on avait, même sans être du métier, on voyait des choses avec des césures pas très nettes, des virgules en début de phrase. Enfin, c'est vrai que... Bon. Sacrilège. Voilà. Ce qui serait pas passé au temps du plomb parce qu'il y avait les correcteurs, parce qu'on regardait, parce que c'est les typos, il y a des choses qui seraient pas. Alors que ça passait plus facilement en PAO, quoi. Dans l'imprimerie, on était considérés assez bien parce qu'on avait une part un peu intellectuelle dans notre travail, donc on n'a jamais été déconsidérés. Mais aujourd'hui, on est considérés comme des artistes parce qu'au plomb, on fait plus que des livres de luxe. Et je trouve que c'est bien que ça continue, parce que quand on compare un livre, notamment sur le texte, hein, c'est plus beau quand même, hein, c'est plus vivant la page imprimée en plomb, c'est plus noir, c'est plus beau, quoi. Ça fait un travail plus artistique. Si on regarde des vieux livres, hein, évidemment, c'est aujourd'hui c'est plat. Quand on a l'œil professionnel, c'est pas pareil ce qu'on lit. Tous les livres qui sortent ici sont imprimés typo sur un papier propre, non chloré. Ils sont cousus. Et oui, alors qui c'est qui les coud ? C'est le brocheur. Et là aussi, c'est un drame. Parce que dans ce quartier, il y avait beaucoup, beaucoup d'imprimeurs et de brocheurs. Tout a disparu. Quand on s'est installé ici, il y avait 4 brocheurs. Il n'y en a plus. Il y a 2 sortes de bibliophilie. Lorsque l'éditeur est fauché, il le fait en lino. Et lorsqu'il est riche, il le fait à la main. Parce que le prix n'est pas le même. Le prix de l'impression est pareil, mais le prix de la composition n'est pas la même. Vous allez beaucoup moins vite à la main. Ah oui. Et alors, vous composez beaucoup de choses à la main ou... Ah si, il m'arrive. On met combien de temps pour faire un livre? Moi, ça va relativement vite. En bibliophilie, ça va plus vite que des fois t'imprimer du texte. Après, bon, il y a le temps de la composition, la lecture. Bon, en plus, c'est pour des ouvrages qui font 400 pages. Ça va... prend 48 pages maximum. Et 48 pages, on va dire que ça a été confectionné en combien de temps? On peut le faire en 15 jours, facile. Vous avez été formé où, vous, Gilles? Vous avez fait un apprentissage C'était quoi, dans les années 74, pardon. Et ça a fermé, ces formations, ça n'existe plus? Non. Typographie conducteur, presse, non. Ça n'existe plus. Hein. Depuis longtemps? Moi, je l'ai eu mon diplôme en 74. Il commençait à dégager le matériel. Donc vous arrivez quand même dans la profession où ça commence à disparaître? Oui. Parce que moi, au départ, je voulais pas faire ça, je voulais être conducteur offset. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, mais vous savez pas, ce serait quand même mieux de passer par la typographie avant d'arriver à l'offset. L'offset, vous avez toute votre vie pour y accéder. Et les filles, je suis tombé dedans, je suis resté. Merci à Sylvie Charlier, Claude Leloup, Frédéric Tachot, Roger Baudin, François Huin, Gilles Hu et Jacques Boisselier. Prise de son, Marcos Darras, Marie Le Peintre, Yann Frécy et Éric Boisset. Mixage, Pierre Monteil. Les typos sur le carreau, Amélie Meffre, Marie-Laure Ciboulet. À la santé de Patrice, plus on boit, plus on pisse. À la santé de Saint-Nicolas, plus on boira, plus on pissera. Voilà donc pour ce documentaire qui terminait notre série d'émissions consacrée à l'histoire des métiers. Vous pouvez le réécouter sur le site de France Culture, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter pour le commenter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC, Fabrique FC. Demain, la table ronde fiction traditionnelle de début de mois dans la Fabrique de l'Histoire.